Être debout, on l'avait vu, c'est stehen. Mais placer quelque chose en position verticale, c'est stellen. Stellen. Donc, pour mettre une lampe à un endroit, debout, on utilisera stellen. Stellen Sie die Lampe hierher. Placez la lampe à cet endroit. Sous-entendu, mettez-la debout. À l'inverse, placer quelque chose en position horizontale, coucher quelque chose, se dit legen. Legen. Et être allongé, couché, se dira liegen. Donc, liegen, c'est être allongé, et legen, mettre en position horizontale, comme dans legen Sie es hierher. Placez ça allongé ici. Anlegen, c'est investir de l'argent. Einlegen, c'est simplement placer, insérer. Einlegen, mais avec un R supplémentaire, reinlegen, là, on a l'idée d'un mouvement, d'une chose que l'on fait entrer, par exemple, à l'intérieur d'un tiroir. Ich muss es reinlegen. Je dois le mettre dedans, je dois le ranger. Encore une fois, le R donne l'idée de cette insertion, de ce mouvement. Reinlegen. Legen Sie das rauf. Ça veut dire, mettez-le au-dessus. Legen Sie das rauf. On voit que ces préfixes sont séparables, donc ici, le verbe c'est rauflegen. Rauflegen. Exactement. Prendre se dit nehmen. Nehmen, N-E-H-M-E-N. Et donc, rausnehmen, c'est prendre et mettre dehors. On voit bien l'idée du mouvement qui conduit hors du tiroir ou d'une pièce, vers l'extérieur. Rausnehmen. Legen Sie das rüber. Mettez ça là-dessus. Donc, mettre dessus, c'est rüberlegen. Legen Sie das runter. Placez ça là-dessous. Runter. Unter, c'est sous. Unter dem Tisch, sous la table. Mais le R en plus vous amène là-dessous. Runter. Comment diriez-vous « mettez ça dessous » Legen Sie es runter. Legen Sie es runter. Tout à fait. Et le verbe à l'infinitif « mettre dessous » c'est « runterlegen ».